Me voilà orphelin de 10 années. Enfin, il y a cette grande maison, ma nouvelle maison. Plus tard, je l'aimerai. J'y aurai mon chien. Enfin, ce sera plus tard. Nouvelle école, nouveaux copains, mais plus jamais nouveaux amis. La pension, on pleure au départ, puis on s'aperçoit que c'est trop tard. Que l'enfance se sauve, t'abandonne, encore une trahison. La vie te tape en pleine gueule, la vie là-bas s'appelle Monsieur le Surveillant Général. C'est l'homme orchestre de notre quotidien, rigide mais réglo, mais qui dit général, dit surveillant tout court. Le tout court, c'est Monsieur Pariglo. Jamais tu n'as réussi à briser la lueur de mes yeux, bien que tu aies tout brisé, même ma haine. La lueur, ce fut de l'indifférence, et là tout fut fini. Tu ne pouvais plus rien saisir. Aujourd'hui, je te remercie. La vie m'est parfois plus facile grâce à cela. Mais je n'étais qu'un gosse. Nous n'étions que des gosses, pauvre con, pauvre monsieur tout seul. Un sourire me vient parfois à l'idée que tu déambules encore, seul, dans ces longs couloirs, dortoirs. Tu chasses le rire, la joie, pour jouir de ta sanction. Pauvre con, les mets-tu toujours debout, devant leur lit, pendant des heures, en pleine nuit, pour avoir entendu la naissance d'un bruit. Pourquoi aurais-tu changé? L'humiliation reste la meilleure sanction. Remarque, cette prison de gosse avait du bon. Prison, tôle, maison. Enfin, on lui a donné tellement de noms. 5 ans d'internat, c'est long. Le silence, voilà ce qui a été le plus dur. Étudier en silence, manger en silence, s'amuser en silence, se laver en silence, se branler en silence. Et on se demande pourquoi, parfois, je suis si silencieux. Marrant, non? Ce silence me manque parfois, on s'y habitue. Mais jamais à ce putain de sifflet. Il n'y avait pas d'ordre, simplement des coups de sifflet. Ça finit par te donner envie d'aboyer, de te foutre à 4 pattes et de remuer la queue. Puis un jour, tu deviens un élève normal. Voilà que tu rentres tous les soirs. Plus de silence, plus de sifflet, plus de surveillant. Tu trouves une chambre, une pour toi toute seule, ta piole. Une douche où t'es tout seul. Fini ce long banc où t'attendais, debout, les mains sur les couilles, que les autres aient fini de se déshabiller.